En Corée, le Palais des sciences et techniques à Pyongyang a abrité le 29 août la cérémonie inaugurale du 31e Festival national des sciences et techniques. Y ont pris part Cho Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, les cadres intéressés et les travailleurs. Le festival se déroule sous la participation des scientifiques, techniciens, membres des cercles des trois révolutions et ouvriers de plus de 300 unités d'activité. Ils ont été sélectionnés dans les festivals des sciences et techniques déroulés dans le cadre des comités, ministères et établissements centraux, universités et provinces, villes directement subordonnées aux autorités centrales. Le thème du festival réparti en 30 secteurs est la mise au point des techniques de pointe et l'intégration des technosciences et de l'économie.